Les bigarrés sont Geneviève et Benjamin. La bigarrée, c'est aussi une panachée musicale, une émission des plus variées, créatives et folles. Bienvenue à cette première émission des bigarrés en compagnie de Geneviève et Benjamin. Pour cette première émission, nous avons décidé de vous présenter un thème particulier. La thématique que nous avons choisie à l'approche de la Saint-Valentin, c'est l'amour. Et pour ce faire, nous avons choisi en fait 5 co-occurrences du mot amour. Donc les 5 co-occurrences qui ont été choisies finalement par vote du public, c'est idyllique, impossible, passionnel, secret et céleste, toujours en lien avec le mot amour. Pour chacun de ces co-occurrences du mot amour, nous avons choisi, moi et Geneviève, une chanson qui représentait en fait pour nous l'amour idyllique, l'amour impossible, l'amour passionnel, l'amour secret et l'amour céleste. Et il est important de rappeler que ces choix sont toujours très difficiles quand on retourne dans nos sélections musicales des, dans mon cas, 27 dernières années et dans celle de Benjamin. On ne dit pas. 22 dernières années. 22. Bref, une interprétation très personnelle. Je laisse Benjamin vous présenter sa sélection musicale avant de vous présenter la mienne. Alors, la première co-occurrence du mot amour, c'est idyllique. Pour ma part, idyllique, c'est Scarborough Fair de Simon Garfunkel. Je vais juste simplement vous dire d'écouter attentivement les harmonies vocales de ces deux comparses de la chanson. C'est extraordinaire. En ce qui me concerne, le mot idyllique, je voulais m'assurer de bien en comprendre la signification. J'ai googlé le terme et je suis arrivée sur la définition suivante. Merveilleux, tendre, idéal, parfait, naïf, fait parfois référence au rêve. Et la chanson qui m'est venue rapidement à l'esprit et la voix, c'est celle de Devendra Banhart. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Baby. Vous écouterez les paroles et vous comprendrez ce que j'associe à ces mots. Donc, on s'en va à l'instant écouter Simon & Garfunkel qui sera suivi de Devendra Banhart. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested crown, without no steam or maids and girls, the child of romance, she'll be a true love of mine. Strands and polishes a gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap in a sickle billows blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill. And Scarborough Fair. was a true love of mine. D'entendre Baby de Devendra Benhart. Et le prochain bloc musical, on s'en va dans L'amour impossible. Et la chanson que j'ai choisi de vous présenter, en fait, l'amour est dans en fait, la chanson, c'est My Body is a Cage d'Arcade Fire. La raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce que si on parle d'amour, c'est souvent il y a une réciprocité. Si on parle d'impossibilité, c'est souvent parce que une des deux personnes fait des choix qui sont pas de s'investir dans cet amour-là, même si elle ressent de l'amour. Donc, My Body is a Cage, c'est un petit peu la personne qui aime, mais qui n'est pas capable de faire le choix de s'investir dans cet amour-là. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je l'ai choisi. Sans vous élaborer, je pourrais vous en parler tout un podcast au complet. OK. Donc, vas-y, Benjamin. Okay. Moi, je m'assume complètement pour Amour impossible. J'ai choisi quelque chose de plutôt de type rigolo. Je suis allé dans le titre de la chanson. Le titre de la chanson, c'est « Love can damage your health ». Donc, l'amour peut avoir des dommages pour ta santé. Et je me disais, c'est impossible que l'amour puisse avoir des dommages à la santé. J'en suis resté là. Mais en fouillant un peu dans les paroles de la chanson que je vous présente, c'est effectivement encore une fois une histoire d'amour. Donc on est toujours dans le thème. Et voilà, c'est de télépop musique. C'est une belle découverte si vous ne connaissez pas. On s'en va à l'instant entendre

showing up to her. You know you'd be a fool. She's the one gone bad. She'll do it anyway and take the lead and say she won't be gone long. Télépop musique. Maintenant, nous arrivons au troisième co-occurrence du mot amour qui était passionnel. Pour ma part, j'ai choisi Afghan Wings avec Summer Kiss. Je vous invite à écouter attentivement avec laquelle passion, justement, le chanteur va chanter cette chanson et avec quelle passion le reste du groupe aussi instrumentise cette belle pièce. Alors voilà. En parlant de passion, un bloc, un mot en fait que j'aime tant, et je pense que la plupart des chansons que j'avais choisies, j'aurais pu toutes les mettre dans le bloc passionnel et elles auraient toutes eu une sonorité différente. Bref, la formation qui a été sélectionnée est Belle and Sebastian avec la chanson I Want the World to Stop de leur dernier album Write About Love qui est sorti cet automne. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est parce que on retrouve le concept de la notion du temps. Et quand on est passionnément amoureux, on perd cette notion du temps-là. Et je trouvais que cette chanson de Belle and Sebastian illustrait bien ça en disant « Give me the morning, give me the afternoon, give me the night, I want the world to stop. » Ce désir de vouloir partager chacun des petits moments avec quelqu'un. Et voilà, beaucoup de passion. On s'en va à l'instant entendre la chanson d'Afghan Wings, Afghan Wings, suivie de Belle and Sebastian. time to create an adorable city by the docks. It goes a walking, moving at the sun and glow. The girls don't care if they paint themselves at dusk. Non, l'amour secret. En ce qui me concerne, l'amour secret, j'ai décidé d'y aller. C'est un film qui m'a inspirée dans ma sélection musicale, c'est Amélie Poulain. Parce qu'Amélie Poulain, vous l'avez probablement tous déjà vu, entretient un amour pour quelqu'un et nourrit cet amour-là secret, cet amour mystère, nourrit ce mystère-là. Donc, j'ai choisi une chanson de Yann Tiersen qui est « Comptine d'un autre été » pour illustrer que parfois ça mène quelque part, parfois ça mène nulle part, mais pour la beauté de nourrir un amour envers quelqu'un et d'envoyer magnifiques énergies. Et voilà. L'amour secret pour moi, c'était ça. Et toi, Benjamin? Ouais. mon amour secret, encore une fois, je le choisis au premier sens, dans un premier temps. Amour secret parce que c'est mon secret, ça m'appartient à moi, c'est quelque chose que j'écoute, que personne d'autre sait que j'écoute nécessairement, mais là, maintenant, tout le monde va le savoir. C'est les Cranberries, en fait, c'est l'album No Need to Argue, et la chanson, c'est Daffodil Lament, une vraie chanson d'amour où, justement, elle décide de tout recommencer à zéro et de repartir à neuf, comme on dit. C'est une très belle chanson, et les Cranberries, ben, c'est mon secret à moi. On vient d'entendre les Cranberries. On entame la dernière partie de notre émission sur le thème de l'amour. Et la dernière co-occurrence, c'est Céleste. Pour ma part, je choisis Mazzy Star. Pour ceux qui connaissent déjà, vous avez déjà deviné que c'est évidemment très Céleste. Et la chanson, c'est Into the Dust. J'en dirai pas plus, je vous laisse écouter. En ce qui me concerne, Céleste, ce que ça sonnait chez moi, c'est... À la base, je me disais, je vais choisir une chanson sans paroles parce que Céleste, on n'a pas besoin de mots pour illustrer à quel point c'est fort et c'est poignant. Donc, j'ai choisi The Cinematic Orchestra et j'ai décidé de choisir une chanson tirée de leur dernier album, Ma Fleur. Et il y a les paroles de Patrick Watson et la voix de Patrick Watson, et Patrick Watson étant mon artiste préféré. Et la raison pour laquelle j'aime cet artiste est sa voix envoûtante. Donc, sa voix est un instrument de musique en soi et très, très, très communicative. Donc, la chanson « To Build a Home » est la chanson que j'ai choisie pour le dernier bloc. Donc, on s'en va écouter à l'instant Mazzy Star et The Cinematic Orchestra featuring Patrick Watson. Still, Thank you. Je me permets de faire un retour sur le spectacle de Patrick Watson et de Cinematic Orchestra au Pigeonnier à Québec il y a environ 3 ou 4 ans. Benjamin et moi, on y était et la chanson qui vient tout juste de jouer représente un petit peu toute la magie qu'il y avait au Parc de la Francophonie à Québec. Que de beaux souvenirs! Pour conclure cette émission, Benjamin et moi, on a décidé de jaser un petit peu avec vous. Donc, si vous n'avez pas le goût de nous entendre jaser, vous pouvez terminer votre aventure ici. Puis les autres, on vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, En surprise, on a décidé de se poser chacun une question qu'on ne sait pas encore c'est quoi la question que l'autre va nous poser. Puis il faut qu'on réponde live devant le micro. Donc, c'est moi qui ai été élu la première personne à poser la question à Geneviève. Et je me suis dit, what the question? Geneviève, quel thème tu penses-tu qu'on va aborder la prochaine fois au Bigarré? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu me précises dans combien de temps ça va être. Ben là, en fait, si je me fie à nos habitudes, là, on avait rétrospective de l'année, après ça, c'était la Saint-Valentin, la prochaine fois, c'est Pâques, là. Je vois pas à part le lapin ou le chocolat, donc c'est soit sexuel ou sexuel, parce que chocolat et lapin, c'est sexuel. Wow! Mais dans le fond, merci, tu viens de me donner exactement. Donc, la prochaine thématique sera plaisir charnel avec mon plus grand bonheur. Donc, oui. Merci Benjamin de la suggestion. J'ai déjà plusieurs idées. Et non, ça ne sera pas la même chose que l'amour, nécessairement. En tout cas, pas dans mon cas. Donc, c'est à mon tour de surprendre Benjamin et vous serez surpris parce que, en voulant le surprendre, je ne lui poserai pas une question. Mais Benjamin, avant l'émission, m'a récité un poème de Baudelaire. Je le vois la tête penchée sur mon bureau en ce moment en se disant: oh non, il n'est pas en train de faire ça. Et oui, je le fais. Et c'est un poème qui est magnifique et qui, moi, m'a touchée vraiment beaucoup. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment qu'il partage ça avec vous parce que la poésie, c'est une façon d'exprimer les choses différemment et d'exprimer la beauté différemment. Et puisque l'amour est une forme de beauté, et puisque la poésie exprime la beauté en soi, j'apprécierais là, du plus profond de mon cœur si Benjamin pouvait partager ce poème avec nous. Mais je vais voir sa réponse avant. Je me dégage la gorge, puisque j'accepte. Alors, c'est Les Métamorphoses du vampire de Charles Baudelaire. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissant couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous mes pleurs sur mes seins triomphants et je fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nu et sans voile, la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide, libertine, fragile et robuste. Que sur ces matelas qui se pâment des mois, les engins puissants se dameraient pour moi. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que languissamment je me tournai vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre aux flancs gluants toute pleine de pus. Je fermai les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui d'eux-mêmes rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. C'est un magnifique cadeau que tu me fais et j'espère en fait qu'il vous fait aussi. Ah, l'amour! J'espère que vous avez été inspiré par nos suggestions, par cette belle poésie. Et on se revoit au prochain prochaine émission des Bigarilles qui s'appellera sûrement le Lapin Charnel. À la prochaine. Bye, ciao.